29 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Air France. La France is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs aux frais de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. 17h27. Sur France Inter, ce sont les infos de Laetitia Gaillet. Le bilan de l'accident du train à Hoboken, dans la banlieue de New York, s'est alourdi. Au moins 3 morts et plus d'une centaine de blessés, dont certains sont dans un état grave. Le train ne s'est pas arrêté en pénétrant dans la gare. Le choc a été tellement violent, disent les témoins, que le train s'est soulevé. La verrière située au-dessus des rails s'est effondrée. L'hommage de la nation à Shimon Peres. Les Israéliens sont venus par milliers aujourd'hui se recueillir devant le cercueil de celui qui fut leur président, leur premier ministre, mais aussi l'artisan des accords d'Oslo. Les hommages viennent du monde entier, de ses adversaires israéliens aussi, comme Benjamin Netanyahou à droite. Et pourtant, Shimon Peres n'a pas toujours fait l'unanimité, même dans son propre camp, par exemple, Étienne Monin. La question à gauche, c'est de savoir si Shimon Peres a véritablement fait tout son possible pour défendre l'héritage d'Oslo. Le premier rendez-vous manqué, c'est après l'assassinat d'Itzhak Rabin, quand il prend l'intérim comme Premier ministre. Autour de lui, Nissim Zvili plaide pour des élections anticipées. À l'époque, il était secrétaire général du Parti travailliste. Il n'a pas été entendu. La gauche a perdu avec un résultat désastreux. C'était plus qu'une défaite politique. Ça veut dire qu'on savait que ça allait mettre fin un certain chemin. C'était une défaite qu'on aurait pu, on ne pouvait pas se permettre. Le deuxième rendez-vous, c'est quand Shimon Peres est président et enfin populaire. Benjamin Netanyahou accède peu après au pouvoir, mais l'homme de paix choisit d'éviter la confrontation. Il y avait entre eux un accord tacite pour qu'ils profitent de leur fonction, estime Yossi Bellin. C'est un très proche collaborateur de Shimon Peres. Il parle d'une répartition des rôles au détriment des accords de paix. Je pense que c'était le mauvais accord. Il a permis à Netanyahou de prendre des décisions vraiment problématiques vis-à-vis du processus de paix qu'il détestait. Yossi Bellin est celui qui a défriché la filière d'Oslo, profondément déçu aujourd'hui du résultat. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter. Les funérailles nationales de Shimon Peres seront célébrées demain matin à Jérusalem. Mahmoud Abbas a fait savoir qu'il s'y rendrait. Le président palestinien devrait retrouver Barack Obama, le roi d'Espagne, le prince Charles ou encore François Hollande et Nicolas Sarkozy. Shimon Peres sera ensuite inhumé sur le mont Herzl aux côtés d'Itzhak Rabin. En France, le Secours populaire priait de quitter son local au plus tard demain à Hayange, en Moselle. Le maire FN précise qu'un huissier sera même présent demain sur les lieux. Il s'agit d'un local municipal occupé à titre gratuit. Fabien Jolman dit ne rien avoir contre le Secours populaire, mais contre le président et le trésorier, oui, qui sont selon lui des militants communistes et qui utilisent l'image du Secours populaire pour faire de la politique et de la propagande pro-migrants toute l'année. Un plan national pour mieux lutter contre la maladie de Lyme. Le gouvernement l'a dévoilé aujourd'hui. Il s'agit d'améliorer le diagnostic et la prise en charge de la maladie qui est transmise par la tique. Ses symptômes peuvent être nombreux, maux de tête, rougeurs ou encore douleurs articulaires. Mais ils sont difficiles à détecter car ils ne sont pas spécifiques à cette affection. On compte officiellement 27 000 nouveaux cas chaque année en France. Mais d'après l'Institut Pasteur, il pourrait y en avoir 10 fois plus. Un robot pour les enfants qui font de longs séjours en chambre stérile à l'hôpital. Un robot pour leur permettre de rompre avec leur isolement. Ils peuvent ainsi être en relation avec leur famille. C'est réalité, car l'expérience, une première en France, est menée au centre Léon Bérard à Lyon. La famille Bannon, par exemple, a été la première à en être équipée. Pour Christine, la maman de Clarisse, hospitalisée, le changement a été radical. Donc nous, on a le robot à la maison depuis un peu plus d'une semaine, ce qui fait qu'elle peut être présente à la maison par le biais du robot. Elle a un ordinateur portable qui lui permet de diriger le robot, de nous appeler avec le robot, de se déplacer, de communiquer avec son petit frère, de faire même des jeux avec son petit frère et de partager les moments du quotidien qu'elle peut pas avoir au vu de son isolement. Nous, on la voit parce que le robot a un écran, donc on la voit sur l'écran et elle nous voit et son ressenti, c'est qu'elle a vraiment l'impression de nous suivre parce qu'elle nous voit de la tête aux pieds. On a vécu l'isolement de Clarisse sans le robot et là on est en train de le vivre avec le robot et c'est vrai que c'est différent. Des propos recueillis par Maurice Fusier. La clé, c'est la porte. Didier Deschamps a retenu Aymeric Laporte en équipe de France pour les matchs de qualification pour le Mondial 2018 contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Ces deux matchs seront disputés les 7 et 10 octobre prochains. 17h05 sur France Inter, on va aller à la Bourse de Paris retrouver Jean-Yves Courcial. Lui, il a la clé de la journée. C'est fin de journée en légère hausse, Jean-Yves. Et oui Laetitia, pourtant la Bourse de Paris était mieux orientée mais a perdu une bonne partie de son avance et à 30 minutes de la fin des échanges, elle ne gagne plus que 0,32% à 4 446 points. On doit ce ralentissement à la prudence des indices américains. D'ailleurs actuellement, le Dow Jones cède 0,21% et le Nasdaq moins 0,43%. Malgré une hausse du PIB des États-Unis légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,12.32 et en ce qui concerne les valeurs, les pétrolières sont dans le haut du palmarès et avec un gain de 6,9%. Technip est en tête du CAC 40, suivi de Total qui gagne 3,93%. Et parmi les titres en repli, Publicis Group cède 1,06% au lendemain d'un bond de plus de 2,6%. Le CAC 40 est lui en petite hausse de 0,32%. Il remonte à 4 446 points. La Bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Cette semaine, à l'occasion de la sortie du nouvel album du groupe américain Green Day, on va naviguer dans les eaux tumultueuses du punk rock. Énervé, oui, mais du côté mélodieux, celui qui vous donne de l'énergie et même de la joie. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument, moins 15% sur la multirisque pro chez MMA. Ça concerne beaucoup de professionnels, ça? Les artisans et commerçants. Avec l'assurance multirisque pro MMA, ils bénéficient d'un contrat unique pour tous leurs besoins. Et jusqu'au 29 octobre 2016, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon ben, envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. Au boulot, Charline, au boulot, tout le monde. Si tu écoutes, j'annule tout. Ça ne nous fait pas peur. Ah oui, je sentais que vous étiez un petit peu endormie, là, quand même. Et puis, c'est pas tellement du boulot. Hein. Enfin, la journée, oui, mais là, maintenant. Hein, oui, je parle pour moi. Merci, Laetitia Gaillet. Mais je vous en prie. Mais alors, restez avec nous, Laetitia et chers auditeurs, parce que là, ce matin, la conférence de rédaction a été un petit peu bousculée. On a eu beaucoup d'émotions. Ce matin, c'était. Comment vous dire ? Le choix de l'invité, quoi, pas été évident. Non, mais on a eu un gros problème, ça ne nous était jamais arrivé. Enfin, écoutez, je vous laisse deviner. Salut les amis ! Salut. Bouge pas, Charline. Silence. Mais Hervé, qu'est-ce qui se passe ? Il a pris Alex en otage. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit. Oui, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Hervé ? Guillaume, tu l'expliques ? Oui. Alors voilà, en fait, monsieur Hervé Pochon n'est pas qu'un homme de radio, vous le savez. Brillant homme de radio, sinon je l'exécute, dépêche-toi. Brillant homme de radio, un brillant homme de radio, il est aussi comédien. Exceptionnel, comédien exceptionnel, sinon. Voilà. Même lui, il dit que j'étais un comédien exceptionnel. Bah, il a pas dit ça, il a dit. Alors, monsieur Hervé Pochon n'est pas qu'un brillant homme de radio, il est aussi comédien exceptionnel. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il prend les gens en otage ? Ben voilà, en fait, il voudrait être invité à l'émission pour parler de son spectacle, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est ça. Non, parce que non, c'est non. Quoi ? Je vais devoir passer à l'acte. Non. Écoute, Alex, écoute-moi. Je suis désolée, mais on ne cède pas à la menace. Je crois que t'as pas bien compris ce qu'il a dit, Charlie. Si, il a dit. Puis dans ses petits yeux, j'ai compris qu'il voulait pas mourir. Non, mais on va pas laisser Alex là-dedans, Charline. On n'invite pas les gens de la chaîne. Vous allez pas laisser Alex là-dedans quand même. Attendez, j'ai une idée. On pourrait peut-être couper la poire en deux. C'est qui la poire ? Non, mais on prend un autre membre de la pièce d'Hervé. Oui, l'auteur, il est super, Guy Cornou, le psychanalyste québécois. Oui, voilà. Ça, je veux bien, oui. Mais oui, et moi ? Attendez, on peut venir à deux, là, c'est possible. Non, parce que non, c'est non, voilà. Bon, alors, je peux peut-être avoir un rôle dans la conf de rédac, quand même. Ça, oui, allez, oui, mais top là. Allez, ouais. Ok, et ben je relâche Alex. Non, c'est bon, on le fera nous, hein. Oui, non, laisse comme ça, ça m'arrange. Ok, à toutes. À toutes. Bonjour la France. France Inter et vive le viseur équilibre. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui s'acharne sur l'actualité. Et voici les trois informations qui vont faire l'objet d'un odieux complot jusqu'à 18h. La Syrie se rappelle à nous tous les jours dans les journaux. Mais qui s'en indigne aujourd'hui publiquement? Il n'y a personne dans la rue pour gueuler alors qu'il y a quelques années, nous manifestions contre la guerre en Irak. Bordel de Dieu, mais tout le monde se fout de tout ici alors. Ou voir un jour un opéra, le lendemain une pièce de théâtre, puis un concert dans les salles de cinéma qui distribuent à présent les autres arts. Ça rend dingue les puristes des salles obscures. Cinéma de Saint-Antoine, film en film, je t'ai donné mon existence. Depuis ce matin, le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ne s'appelle plus le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Désormais, il s'agit de l'Occitanie. C'est plus cosmétique, car tous les lieux ne sont pas égaux à cause de leur nom. Par exemple, Montélimar, c'est du nougat. Et mon cul, c'est du poulet. Et moi, je suis accompagnée de celui dont la tournée est déjà passée par Gland en Suisse. C'est vrai. De Alex Vizorek. Bonjour, Charles Daquet. Et autour de la table, l'équipe libérée. L'équipe libérée, 17h20, la plus grande spécialiste musicale de cette station, après moi. Celle qui arrive à faire la différence entre un vilain bruit de cuiseur vapeur et un bon son de musique lounge, c'est Mélanie Bauer. Bonjour. C'est pas gentil pour mes collègues. Il y a quand même des stars sur France Inter. Oui. C'est moi le spécialiste. Une surprise. Allez. Aujourd'hui. Bonjour, tiens. Bonjour. Allez. Vous avez du beau aujourd'hui, je aujourd'hui, sais. Aujourd'hui, oui, des artistes multitâches, multi-espaces pour un spectacle qui s'appelle Rétro au Futur. Ce sera du live, je vous laisse la surprise. Il y a des gens qui vont vous rejoindre. Oui, du live. Attention, 17h30, il a les cheveux poivre et sel. Ce qui explique sans doute que ce qui sort de son cerveau est épicé. Oh là là. Le toujours jeune esprit Guillaume Meurice. Oh, la beauté du lancement. Oui, merci Alex. Bonjour, bonjour Charline, bonjour à tous. Et bien moi aujourd'hui, j'ai tenté de m'engager dans l'armée, figurez-vous. Un des militaires. M'ont expliqué les conditions. Maximum de 12 mois, rénuméré et ensuite... Rénuméré ? Oui, oui. Ah oui, la fameuse rénumération, évidemment. 17h40, c'est pas gentil parce que c'est facile. Pour certains, lundi c'est ravioli, pour moi, jeudi c'est échec sentimental, mais heureusement c'est la quête qui est la plus belle que l'aboutissement. J'ai l'impression que je vais encore pouvoir me rassasier de beauté pendant un bon paquet d'années. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. De quoi on parle ? Bonjour à tous les habitants de Gland. Oui, bien sûr, on les salue. On va parler de l'irrévérence, notamment en bande dessinée. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission s'est découvert une passion pour le théâtre avant de devenir psychanalyste. Après 12 années, vous quittez votre cabinet pour parler au public à travers notamment la télévision québécoise, des conférences, des livres. Vous êtes aussi auteur de théâtre et un peu comédien, on le verra. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Guy Corneau. Ah oui, mais voilà. Il a réussi. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Guy Corneau. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc le co-auteur de cette pièce qui s'appelle L'amour dans tous ses états, qu'on peut voir au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Mais qui joue dedans ? Eh bien, un certain Hervé Pochon, voilà. Et Camille Barderi qui a contribué au texte également, vous avez co-écrit avec Daniel Proulx, dans une mise en scène de Victoire Tessman. Et puis, on va en parler tout de suite, Guy Corneau. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui se rencontre sur Internet. C'est ça. Oui, oui. On assiste donc à la rencontre. À la rencontre, à l'extase sexuelle. Et... Oui, c'est vrai, on voit Hervé Pochon à moitié nu. Mais c'est quoi tout à fait. Oui, oui, il est content, hein, il en redemande. Hein, et les gens restent dans la salle donc. Ah oui, oui, oui, oui. Bah, il rit. Oui, c'est vrai que c'est très drôle, on assiste. On assiste à la rencontre du couple, à l'évolution, aux confrontations qui émanent du quotidien. Ouais. Toutes des étapes ensuite que vous analysez, vous entrez en scène. Oui, c'est ça. Donc c'est des scénettes, puis vous entrez en scène et vous analysez, mais vous êtes un petit peu le coitus interruptus de cette pièce alors. Oui, ou le coryphée. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je commente les, vous je commente expliquez, entre les scènes, c'est ça. Et j'essaie d'apporter des informations intéressantes, pertinentes, et tout à coup, à mesure que ça se corse, ce truc-là, il se retrouve dans mon bureau. Et c'est ça qui est drôle, il y a toutes sortes de renversements dans la pièce, et je fais pas mal participer le public. Est-ce que moi. Si on vient en couple, c'est une bonne affaire? Ah, c'est une bonne affaire. Très bien, ok, ça va. Absolument. Bon, ça va. Oui, non, d'ailleurs, c'est très, très drôle, parce que là, c'est les premières. Mm-hmm. Les dames viennent beaucoup, toutes seules. Mais après, elles reviennent. Ah bon? Elles viennent vérifier l'information. Et après, elles reviennent avec leur bec. Ou le contraire. Ouais. Oui. Non, on a pas mal de couples, en fait, parce qu'on a joué une trentaine de fois au Feu de la Rampe ce printemps. À Paris, oui. À Paris, c'est ça, dans le 9e. Et puis, ça a super bien marché. Et là, c'est pour ça qu'on est à Gaîté-Montparnasse, un peu plus grand. Alors, pourquoi finalement venir expliquer les scènes? Parce que le théâtre en lui-même et la fiction théâtrale peut expliquer beaucoup de choses. Et vous apportez quelque chose en plus. Comment ça se passe? Parce qu'on est, vraiment dans le théâtre. Ouais. On se fait prendre par la scène. C'est ça. Puis après, il y a une analyse et après on revient dedans. Donc c'est mi-théâtral, mi-presque conférence. C'est un hybride, c'est conceptuel. Ouais, mais moi j'aime beaucoup ces trucs-là hybrides. Et j'ai travaillé beaucoup au théâtre. J'ai toujours aimé les trucs entre deux, en fait. Et ce que je trouve, c'est que si moi je vais consommer des choses, j'aime bien aussi apprendre des choses. Et par exemple, je me rappelle du film Mon oncle d'Amérique, juste pour citer celui-là, où on avait quand même quelque chose qui se passait intéressant comme histoire. On avait Alain, c'était Laborit qui intervenait là-dedans, et Henri Laborit. Et donc, et moi j'aimais ça parce que j'apprenais quelque chose en même temps qui éclairait la chose différemment de comment je l'avais ressenti. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, au fond. J'essaie de montrer, par exemple, dans ce truc-là, c'est une dépendance anxieuse qui est confrontée à un fuyant colérique. Oh, on dirait le portrait de Vizorek. Ah, oui, c'est ça, exactement. Et donc, quand on les met ensemble, on est dans le couple impossible. Et c'est intéressant de commencer à éclairer les choses de façon dont les gens ne le voient pas, parce qu'eux sont pris dans l'émotion de ce couple-là. Ouais. Et là, tu dis, mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc, on voit l'émotion, il y a le rire, il y a une scène, mais ça, la fiction théâtrale ne peut pas tout expliquer, vous devez arriver avec une forme d'analyse. Mon idée, c'était d'apprendre en s'amusant ou de s'amuser en apprenant quelque chose aussi. Et vous le faites dans la vie, ça, par exemple, en termes de formation professionnelle, vous commentez les couples que vous voyez? Non, mais je m'amuse pas mal dans la vie de tous les jours à déconner, entre autres avec Hervé Pochon. Et non, ce que j'aime, c'est effectivement, j'aime ça qu'il y ait une petite distance sur les choses. Je trouve que aussi au théâtre, on peut aller voir des belles histoires et tout, mais c'est intéressant qu'on ait un petit peu de distanciation qui est apportée par ça. Et dans cette scène-là, au fond, moi, ce que je fais, je suis un peu le coryphée et je me sers de la salle comme le cœur grec, au fond. Parce c'est eux qui vont finir par commenter l'action avec moi. Oui, dire, vous les interpellez. Oui, oui, puis qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de lui dire à elle? C'est quoi les non-dits de ce couple-là? Alors, au fond, on entre dans un spectacle qui est plus global. Il y a un côté très interactif, c'est vrai. Ouais, les réactions de la salle sont importantes et forment un personnage en plus. Exactement, ils deviennent un acteur aussi dans le truc, mais sans que ce soit... Ils ne sont pas obligés de Non, vous pouvez rester dans votre coin et ne rien dire, surtout. Et Hervé Pochon est quasi nu, rappelons-le quand même régulièrement. Oui, bien sûr, il y a une scène de fin de coït sur scène, on peut le dire. Et les gens rient. Hervé Pochon, avec Camille Barderie, bien sûr. Qui est habillée, elle, du coup? Oui, elle. Mais bon, écoutez, l'amour dans tous ses états... Elle est très belle, plus délicate à déshabiller. Que Pochon, oui, je pense aussi. L'amour dans tous ses états, c'est au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, mardi, mercredi à 19h, et pour l'instant, c'est jusqu'au 21 décembre. Vous êtes sur France Inter, on est avec Guy Corneau au vif, le Québec libre. One child grows up to be somebody that just loves to learn at all. Another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. Family affair. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. about you. You can't say, cause you've been somewhere else. You can't cry, cause you look broke down. But you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Family Affair, mais comme dans cette émission. Family Affair, c'est Sly and the Family Stone, bien sûr. Vous êtes sur France Inter. Nous, mais je fais attention à mon anglais parce que les Québécois parlent très très très bien anglais avec un accent magnifique et Guy Corneau me surveille. Ah oui, oui, oui, attentivement d'ailleurs. Psychanalyste québécois, si ça c'est pas conceptuel. Mais c'est en France qu'on vient apprendre l'anglais maintenant. Ah bon? Pourquoi? Il y a tellement de mots anglais dans votre vocabulaire. Ah, c'est vrai. Oh, mais on va avoir l'occasion d'en parler avec on les. On n'a pas l'accent américain, nous. Non, ça non. Guy Corneau, qu'on peut voir dans L'amour dans tous ses états, une pièce qu'il a coécrite et qui se joue en ce moment au théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec notamment Hervé Pochon et Camille Bardery. Autour de cette table, Alex? Eh bien, Mélanie Bauer, qu'attend ses amis, hein, parce qu'il y aura du live. Si vous aimez l'oiseau bleu, restez avec nous. Je reste à cacher la surprise. On ne sait pas si vous aimez. On peut aimer les oiseaux, on peut aimer le bleu. Donc, on continue. On peut aimer Clara Dupont-Moineau. Et la formation de la couleur que vous voulez. Qui me rendra mon honneur? Ça vous reprend. Ça y est, c'est décidément. Une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Ce soir, France 2 diffusera le très attendu reportage d'Envoyé spécial sur l'affaire Big Malion. Oui, certains candidats à droite sont aussi excités qu'un ado devant Canal+, le premier samedi du mois. Obsèques de Shimon Peres, eh bien François Hollande et Nicolas Sarkozy voyageront dans le même avion. Voilà le premier vol avec plus de turbulences à l'intérieur de la cabine qu'à l'extérieur. Et il y aura des brèves. Trois brèves. Et même une du Luxembourg. Ce soir sera donc diffusé le reportage sur Big Malion avec l'interview d'un témoin clé, Franck Attal. Oui, mais dans un contexte tendu au dernier moment, Michel Field aurait décidé de la remplacer par une interview d'Yvan Attal. Ah oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Dans la série Tout va bien pour Sarko, hier soir, Patrick Buisson était invité aux 20h de France 2. Oui, et il a enfin expliqué pourquoi il avait enregistré l'ancien président. J'avais une obligation de résultat, pas de moyens. J'ai donc fait ça pour mieux le servir. Et voilà, c'était pour mieux le servir. C'est sympa d'avoir des amis comme ça. Primaire de la droite, toujours, Alain Delon voterait pour Alain Juppé. Ah, grosse surprise là du coup. Oui. Vous pensiez qu'Alain Delon allait voter pour Nicolas Sarkozy? Non, je pensais qu'Alain Delon allait voter pour Alain Delon. On reste à droite donc. L'association Sœur Emmanuel demande à Laurent Wauquiez d'arrêter de penser à la place de Sœur Emmanuel. Waouh. Ça vous surprend ça peut-être? Que Laurent Wauquiez pense, moi ça me met une claque. Passons à gauche, où là ça pense Ça pense dur. Michel Sapin parlait de la prévision budgétaire ce matin dans Télématin. Je vais vous dire une chose. Les prévisions, c'est un art très incertain, surtout quand ça concerne l'avenir. Mon bonhomme, c'est plus difficile dans le futur. Venons-en donc aux obsèques de Shimon Peres. Oui, François Hollande et Nicolas Sarkozy voyageront donc dans le même avion. Oui, this is your captain speaking. Notre voyage jusqu'à la terre promise s'annonce difficile, un peu comme Moïse finalement. Donc je vous demanderai de rester assis sur vos sièges. Si vous avez des reproches politiques à formuler à quelqu'un d'autre dans l'avion, imaginez qu'il y a un mur entre vous. Ça permettra d'anticiper la visite d'Israël. Voilà, merci capitaine. Revenons en France avec ce chiffre. Un SDF sur 10 est diplômé de l'enseignement supérieur. Et voilà, les études s'amènent à tout. Félicitations. Science, selon une étude menée par des chercheurs de l'Institut Pasteur, la nicotine serait un remède contre la maladie de l'Alzheimer. Oui, c'est vrai parce qu'en fumant, on meurt suffisamment tôt pour éviter d'attraper la maladie d'Alzheimer. C'est pas mal. Hein. En télévision maintenant, hier soir, M6 diffusait la nouvelle émission de Bernard de la Villardière, intitulé, attention, ça fait rire Guy Corneau, vous connaissez. Attention, dossier tabou, dossier tabou dont le sujet était l'islam. Ah oui, à mon avis, Bernard de la Villardière, il ne doit pas avoir la télé, parce que s'il y a bien un sujet qui n'est pas tabou depuis quelques mois, c'est quand même un peu l'islam. Allez, des brèves. Oui, Luxembourg le jardinier d'un club de football a tondu le terrain synthétique. On sent bien que le Luxembourg, c'est pas très loin de la Belgique. Allez, à vous. Allemagne, une aveugle se fait insulter parce qu'elle ne ramasse pas les crottes de son chien. Et oui, les Allemands, c'est carré. Même Philippe Croison, on lui aurait fait une remarque s'il n'avait pas ramassé les crottes. Allez, la dernière. Oui, Australie, il se fait mordre le pénis par une araignée pour la seconde fois. Pas de bol, mais quand même, les hommes sont prêts à tout pour en avoir une plus grosse. Et c'est là que le premier sujet qu'on a choisi, c'est la Syrie. Et voilà, ça va être très très simple pour c'est moi, vrai, comme d'habitude. Merci Vizorek. Douche écossaise, vous dites d'habitude. Oui, c'est ça, c'est un peu la douche écossaise. Allez, après 5 ans de conflit en Syrie, Guy Corneau, l'indignation populaire est inexistante. C'est-à-dire que nous ne sommes pas descendus dans la rue, comme pour la guerre en Irak, par exemple. Quant à l'ONU, elle n'arrive pas à imposer de solution. D'ailleurs, qui est capable de citer le nom du médiateur des Nations Unies pour la Syrie, par exemple? Allez, voilà, il s'appelle Staffan de Mistura. Et tiens, c'était, c'était quand la dernière fois qu'on l'a vu? C'était quand... Hier il était là, je l'ai vu, hier il était avec... ce matin je l'ai vu, ce matin il était avec... Il était là. Tout à l'heure il était là. Tout à l'heure il était... Non, c'est hier. C'est hier qu'il était là. C'est hier qu'il était là. Ouais, c'est tout hier, hier il était là. Hier il était là. C'est des chiens, c'est des chiens. Écoutez, il vaut mieux en rire parce que voilà, quand ça nous tombe dessus, autant. Ouais. Voilà, n'est-ce pas, Guy Corneau, vous êtes psychanalyste. Vous trouvez normal que on a envie de parler de la Syrie, on a envie de s'indigner, on a envie de gueuler, mais il y a des moments où on a. Je trouve même ça normal qu'on a envie d'en rire parce qu'en fait, c'est comme un drame qui est devenu trop proche. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme l'information comme un spectacle. Hein? C'est devenu un spectacle, donc on regarde les nouvelles choses. Mais là, les nouvelles choses sont à nos portes. Oui. C'est beaucoup moins drôle et tout le monde est dépassé par le truc en réalité. Hein, ils allaient manifester pour ce qui se passe en Syrie avec les nouveaux migrants qui rentrent. Mm-hmm. C'est tout un. Et on n'est plus dans ce contexte-là. Et je pense qu'on est dans le problème de. On va avoir à faire un choix. C'est une humanité, finalement, une nation, une humanité, une terre, je veux dire. Et on a de la difficulté à se rendre là. Et ce qui moi, m'a intéressé, des fois, je suis intervenu là-dessus, c'est que. Vous savez, quand les gens arrivent en thérapie, par exemple, hein, on parle de la névrose. Qu'est-ce que c'est une névrose? Ouais. C'est « je pense trop, donc je ne suis pas ». Et ça veut dire que mes systèmes de défense l'ont emporté sur mes pulsions de vie. Et c'est ça qui va nous arriver. On met tellement de sécurité en place pour se protéger de tout ça qu'on est en train de s'étouffer avec ça. Parce que tous les jours, on est confronté à la Syrie, à ces images aussi. Beaucoup, il y a beaucoup de photos qui émeuvent la planète entière d'enfants recouverts de sang, de poussière ou morts, etc. Et pourquoi ça ne finit pas à gueuler dans la rue, à organiser une manifestation, quelque chose où le peuple syrien peut savoir que dans le monde entier, on peut, on est là par la pensée, où on s'indigne, où on gueule et qu'il y a une pression de l'opinion publique. Moi, je pense qu'on est sous le choc et c'est aussi que maintenant... Ça fait 5 ans quand même. Non, mais on est tétanisé par le truc. Je veux dire, c'est comme si tu sais plus comment réagir. Est-ce qu'il faut bombarder, pas bombarder. Moi, je suis très content que le Canada soit retiré des frappes aériennes, par exemple, des choses comme ça. Il n'y a pas de mot d'ordre commun, en fait. Non, c'est ça. Mais tu vois, même sur le terrain, on dit, par exemple, il y a 100 factions rivales en combat. Mm. Et ça dépasse l'imagination. Je pense qu'on est dépassé par ce qui est en train d'arriver. C'est aussi une question de conduite politique, puisque je vois, en Allemagne, il y a eu quand même un grand mouvement d'engouement populaire, au moins au départ, quand il y avait la vague de pour l'accueil des réfugiés, vous l'avez dit. Ce qu'il n'y a pas eu en France du tout. C'est une manière de canaliser les choses. Forcément, vous réveillez les enthousiasmes, même s'ils sont douchés après, mais en tout cas, il y a un premier temps où vous faites d'une nation, à un moment, un endroit accueillant. Et ça, c'est une décision politique. C'est ça, mais c'est vers ça qu'il faut aller. C'est, pour moi, le seul message de tout ça, c'est l'entraide. Il faut commencer à s'entraider, sinon on ne sortira pas. C'est comme tu t'en vas au Brésil, t'es pris avec les gated cities, ce qu'ils appellent. L'entraide est faite sur le terrain par des associations civiles, alors que qui se plaignent de ce que l'action étatique se défausse sur elles. Elles ne sont pas aidées, ces associations, c'est elles qui sont sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer Bernard de la Villardière, du coup, parce que ça pourrait éventuellement les aider? Vous qui vivez au Québec, au Canada, Guy Corneau, vous êtes proche des États-Unis, vous la sentez, le retour de la guerre froide? Non, nous, ce qu'on sent là, c'est la campagne électorale américaine. C'est la... Ah oui. Et ça aussi, mais vous en avez une aussi qui est assez drôle aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, et tu te dis, au fond, là, ça revient à votre truc sur la politique. La politique est vidée de ses idées, en fait. Les hommes politiques n'apportent plus d'idées, en réalité. Et on assiste à un spectacle, C'est comme des clones, mais sauf que dans le cas des États-Unis, le clone qui est dangereux. Alors, il faut pas les laisser faire. Et donc, le médiateur de l'ONU pour la Syrie s'appelle Staffan de Mistura. Donc, on t'embrasse, Staffan. Il est où ? On posait la question avec les déchets. Il est où ? Ben, sachez qu'aujourd'hui, il est à Rome, auprès du pape. Et il a dit au pape, lorsque les bombes tombent partout, il est très difficile de reprendre les négociations. On n'a pas le cul sorti des ronces. Autant s'amuser, se délecter de la musique. Mélanie Boer. Aujourd'hui, vous nous proposez une surprise. Quelle surprise ! Parce qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Qu'est-ce que cette expression ? C'est important. Alors, comme Charline Van Hennecker, notre chef vénéré, je suis une journaliste sérieuse, prise en otage par des clowns, des adeptes du rire. Alors, au début, j'avais la trouille, un petit peu moins fort les arpèges. La technique gère tout ça, vous inquiétez pas. Au début, j'avais la trouille. Les clowns, pour moi, sont les symboles hilarants de la cruauté des hommes. Autant vous dire que c'est pas rigolo. Depuis des années, j'ai lutté, tenté de garder les pieds sur terre et surtout mon sérieux. Mais voilà, à cause de ce fichu syndrome de Stockholm, me voilà confrontée chaque jour à mon clown intérieur. Me voilà prisonnière volontaire du rire. Mes geôliers sont des meurices, des visorecs, mais aussi, et depuis encore plus longtemps, des comédiens fascinés par l'absurde. Alors c'était là je voulais bien un petit RPG. Il s'appelle Diane Bono, merci beaucoup, dont les jambes interminables ont arpenté toutes les planches de France en solo ou bien en bande avec Eliane S, par exemple, les lundis au théâtre de 10h. Arnaud Aymar, connu aussi sous le nom de l'oiseau bleu, un oiseau inquiétant qui donne parfois des leçons de géopolitique. Ces deux-là m'ont confronté à ma plus grande peur. L'immense peur, les clowns ultimes, Shirley et Dino. Et pour un cabaret à 7 avec aussi Raymond Raymondson, les chiches capons, Frédéric Blin et Ricardo Lodiudit. Ah oui, comment ils veulent. Oui, très bien. Ces gens sont étranges, on entre dans leur monde sans trop comprendre ce qui nous arrive, on perd très rapidement pied avec la réalité. Au bout de 2 heures, on est suspendu dans l'espace, on ne sait plus si on est dans le futur, dans le passé. On n'a plus de bouée pour se raccrocher, à part un petit verre de vin, pas cher quand même, posé sur la table. C'est plus notre conscient qui rit, mais notre petite voix intérieure qui jubile de trouver enfin des gens qui la comprennent. Ce spectacle, c'est rétro-futur à voir dans le cadre de Villette en cirque jusqu'au 23 octobre, du cabaret et des chansons. Et ils sont là. Ils sont là pour nous présenter ce spectacle. Once done, you're hoping that you care, but now I fall. Everything has got a love man's badges. I was a child, Alan Finkel crowed. Ça, c'est pas dans le spectacle, en fait. Alan Finkel crowed. Ça, c'est pas du tout dans le spectacle. Pardon. Je pense que c'est autre chose. Vous n'avez pas préparé ou comment ça? Si, mais on a envie de chanter. On a préparé quand même. C'est des chroniques musicales, on chante un maximum. Est-ce qu'on peut se concentrer? Molière, oui, en moi, viens Molière. Descends Molière. Arrête de me suivre. Non, c'est toi qui me précèdes. Oh, regarde ce paysage avec ses parcs-maîtres et ses chiens. Il semble avoir été dessiné pour toi. Oh, pour nous. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai peur. Mais pourquoi? Mais j'ai peur qu'il pleuve. Mais c'est impossible. Nous aimons tellement. Tu as raison, frère. Météorologiquement impossible. Toutou. Mon cœur tambourine comme une mandarine. Je crois que je trépigne sur mon vélo trop grand. Toutou. Mon cœur monte et saille. Et vacille et vacille. C'est pas un si vacille. Quand on ferme la vaisselle. Oh. Quoi? Regarde, on se croirait dans un château. Un château d'argent. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression qu'on serait dans... comme dans un bocal. Un bocal comme des poissons. Oui, comme des poissons volants. Un poisson volant dans un château d'argent. Un château d'argent dans un poisson volant. Mais c'est impossible. Ouais, non, sinon il serait, il aurait mal. Bah oui. Le château est trop gros. Des poissons volants dans le château d'argent. Mon amour. Ah, mais attends, moi aussi. Moi aussi, attends. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Il vous reste deux minutes. Amour. Merci. Non, mon amour. Non, mon amour. Non, mon amour. Non, c'est toi, mon amour. Mon amour. Mon amour. Non, mon amour. Non, mon amour. Un spectacle vertigineux. Un spectacle avec des teckels en plomb. Un spectacle avec un exotisme, un folklore incroyable. Ah, c'est le bon Avignon, Belledos, c'est l'Albitos, c'est le bon Avignon, Belledos avec les choux. Un spectacle avec des pans inifugés, un spectacle qui va... Avec des feux d'artifice de spaghettis. Oui, avec des films érotiques de chèvres. Freddy Jack, dormez-vous, dormez-vous, c'est mal ding dong ding. Avec des mythes et de la terreur. Picouati, picouata. Non, de la terreur. Ah oui. Bonjour. Je suis la Dame Blanche. Vous pourrez me retrouver sur la route nationale 67A du côté de Saint-André-du-Vieux-Jonc. Vendredi 29 incroyable. À 23h30. Un spectacle qui nous font froid dans le ventre, à l'intérieur même des boyaux. Nous, les boyaux. Et pour... La petite leguette, dans la bouche avec les doigts. Un spectacle aussi pour les enfants, mais les enfants irradiés. Blou, blou, blou, cui, cui, cui. Blou, blou, blou, blou, cui, cui, cui. Tous ensemble. Blou, blou, blou, cui, cui, cui, bien sûr. Blou, blou, blou, cui, blou, à vous. Blou, blou, blou, cui, cui, cui. Blou, blou, blou, blou, cui, cui, cui. Blou, blou, blou, cui, faites le vis-oreille, je vous vois. Cui, cui, cui, cui, blou. Allez. La radio pour mon nom. Blou, blou, cui, cui, cui, cui. Ils sont gênés. Merci beaucoup. C'était donc notre dernière émission sur France Inter. Ça se passe donc en ce moment au VIP Villette et ça s'appelle Rétro Futur et c'est jusqu'au 23 octobre, n'est-ce pas? Et pour les gens qui ne peuvent pas aller à Paris pour voir comment on fait, à la limite du déménager. À la limite du ringard, mais pas tellement en fait. Presque. Merci Mélanie Boer. Non, bravo à eux. Bravo. Merci. Merci à vous. C'est la première fois qu'on nous a appelé. Comment vous voulez après qu'on critique Hanouna alors qu'on fait blou blou blou coui coui coui? Je ne sais pas. Peut-être déjà on peut aussi remercier la technique. Hein, oui. Fabrice Desmaz, Arne Lorcochet qui ont travaillé ardemment avec vous pour mettre en place cet extrait de spectacle face à Guy Corneau. Ouais, mais c'est un couple qui a besoin de venir voir notre pièce quand même. Voilà, c'est vrai. L'amour dans tous ses états. C'est vrai. Oui, là, à la Gaîté Montparnasse. Merci. Avec Guy Corneau et de Guy Corneau. Clara Dupont-Monod est stupéfaite. Remettez-vous le temps la de votre chronique. De Clara Dupont-Monod n'avait pas de prix. Voilà. Et à ce moment-ci, il y a un moment encore pire que ce qu'on venait d'entendre. Ah, c'est du Guillaume Meurice. Oui. Alors, écoutez, la jeunesse, c'était quand même bien mieux avant, me disait un vieux con, prouvant ainsi qu'il avait raison. Rappelons qu'on perd tous des neurones en vieillissant. Ouais. D'ailleurs, Cyril Hanouna, qui vient de fêter son anniversaire, est passé en solde négatif, lui. Hein. C'est assez rare pour être signalé. Et qui dit évidemment perte de neurones, dit militaire de carrière. Hein, ça, c'est logique. Moi, c'est un petit peu mon rêve. C'est vrai que quand je les vois patrouiller à la gare Saint-Lazare, là, les yeux dans le vague, entre la brioche dorée et le relais, je me dis, waouh, l'aventure, quand même, ça a de la gueule. C'est beau l'engagement. Je suis donc allé dans un espace de recrutement de l'armée pour postuler. Tout d'abord, petite présentation. On propose une cinquantaine de métiers, que vous ayez le bac, que vous n'ayez pas le bac. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que dans l'armée de l'air, justement, si vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas y rentrer, ce qui est totalement faux. Il y a plein de gens qui s'imaginent que dans l'armée de l'air, il y a des gens intelligents. C'est peut-être pour ça, oui. Oui, c'est sûr que c'est pour ça. C'est sûr que c'est pour ça. Bon, après, avoir le bac, ça ne veut pas dire forcément être intelligent. Hein, évidemment, Laurent Wauquiez, il a le bac, par exemple. Clara, elle a le bac. Et moi, j'ai eu mention. Alors, vous imaginez bien que ça ne veut rien dire. Alors, des jeunes avec ou sans bac, prêts à s'engager, il y en avait beaucoup. Et moi, je trouve ça quand même vachement rassurant pour l'avenir. Tiens, lui, pourquoi ça l'intéresse d'être militaire? D'être militaire? Ouais. Je sais pas, j'ai envie de calacher tous les bandits. C'est vrai? Tous les voyous là, les terroristes, tout. Je les calache tous. Moi. Mais calacher, c'est avec une Kalachnikov, c'est-à-dire? Non, avec une mitraillette, n'importe quoi. Après 39, je fais tout. Moi. Vous avez compris ou pas? Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, je sais pas si je suis hyper rassuré, mais j'ai pigé. Il a envie de calacher. Ah bah vas-y, le jeune, on a envie de te dire, calache, vas-y. Y a des choses que j'ai pas bien pigé chez certains jeunes. C'est comment on peut avoir envie de faire la guerre? La guerre, ça me fait pas trop peur. Ah ouais? Non, il y en aura toujours. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura la guerre. Mais est-ce que c'est pas les militaires qui font les guerres, justement? Les militaires font les guerres parce qu'on les envoie faire la guerre. Bah pourquoi? Il y a des ennemis, non? Oui, mais les militaires qui sont ennemis, ils disent que c'est les autres, les ennemis. Ah, mais ça, ça sera toujours ça, de toute manière. Ah bah, sauf s'il n'y a pas de militaires, du coup. Ah, sauf si vous supprimez les militaires, vous avez plus de défense externe. Si un pays externe vous attaque, vous faites quoi? Ouais, mais qui est-ce qui nous attaquerait, des militaires? Mais peut-être, mais qui dit, il y a un État qui dit, ils ont plus d'armée, on a plus d'armée. C'est pas grave, on va se faire une armée, on va les attaquer, on va les prendre. Ah bah non, s'ils font une armée, c'est des militaires, du coup. Bah, ça devient des militaires, il y aura toujours des militaires, de toute manière. Ah bah non, mais s'il n'y en a plus. Il y en aura toujours, de toute manière. Bah oui, avec des raisonnements comme ça, du coup, il y en aura toujours. Alors, le budget mondial de la défense, c'est tous les ans plus de 1600 milliards de dollars. Donc 1600 milliards de dollars que l'être humain dépense pour foutre sur la gueule de son prochain. Par exemple, pour résoudre la famine dans le monde, il faudrait 6 fois moins de pognon. Donc c'est comme si des agneaux, ils se privaient de manger pour acheter des couteaux à kebab. Voilà, c'est ça, un petit peu. Alors c'est ça qui fait la fierté d'être un être humain. Alors, c'est également, bien sûr, à l'armée d'obéir aux ordres sans réfléchir, même s'il y a des jeunes à qui ça pose problème. Est-ce qu'il y voit un souci d'ailleurs, ce recruteur? Non, pas du tout. Généralement, les jeunes s'intègrent bien au centre. On est là pour les protéger. C'est-à-dire? Bon, on est là pour les encadrer, donc... On est en perpétualité à surveiller leur formation jusqu'à la fin des 12 mois. Oui, d'accord, en perpétualité, à surveiller la formation. J'ai pas bien pigé, mais ça veut dire que ça va, je pense qu'on peut être rassuré. Il n'y a pas de parcours du combattant de la syntaxe, hein, évidemment, à l'armée, ça explique aussi des choses. Mais on peut être fier de son pays sans en maîtriser la langue, hein, y a aucun souci. Et même sans être à la base du pays, je suis allé voir la Légion étrangère. La Légion étrangère, elle est ouverte à tous les jeunes de sexe masculin. Malheureusement, les femmes ne peuvent pas s'engager par la filière normale de la Légion. Femmes, pourquoi alors? Ça a été décidé ainsi, puisque nous avons déjà à gérer 170 nationalités différentes. Si on avait un plus de femmes, ils ont décidé que ça serait... Oui, s'il y avait des femmes en plus, c'est encore plus difficile à gérer. Ça c'est beaucoup plus difficile à gérer, donc ça a été décidé ainsi. Oui, c'est suffisamment galère à gérer, on va pas rajouter des bonnes femmes là-dedans, vous imaginez bien. À nous, je vois rien qu'à notre niveau, avec Alex, on est entouré de bonnes femmes, c'est ingérable, on a fait une connerie. Je sais pas si vous avez des femmes au Québec, Guy, mais c'est pas le cas, les laissez pas rentrer dans votre pays. Hein. Non, ça va vous foutre la misère. Hein. Nous, on atteint la barrière, là, Trump va nous mettre une barrière. Ah, faut les foutre dehors. Hein. Non, parce que s'il n'y avait pas de femmes, on n'aurait pas, par exemple, à subir les conneries sexistes de Zemmour. Ça, à la base, c'est quand même la faute des femmes. Hein. C'est donc ce qu'on dit à la Légion. Pièce, hein. Être en couple, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. C'est de vous, ça Guitry. Non, c'est de Guitry, en fait. Vous avez tout compris. Voilà. Mais à la Légion, vous allez être peinard, il n'y a pas de femmes. Alors, évidemment, pour assouvir vos pulsions, vous ferez comme tout le monde. Hein. Vous irez au Castorama, hein, à la Robert Rochefort. Parce qu'à la Légion étrangère, on n'est pas là pour se secouer la nouille. Bon, à la Légion, on a des tours. Il y a des personnes qui ont du mal avec l'autorité. Bon, j'ai un autre problème. J'ai tendance à penser que les militaires sont un peu cons. Non, je ne pense pas qu'on est cons, aussi cons que ça. Hein. On est con comme tout le monde. Ah, et ça, c'est pas faux. C'est vrai, sauf qu'un con avec un FAMAS, c'est toujours plus flippant qu'un con pacifiste. Alors, je vais peut-être faire finalement comme les neurones dans la tête d'Hanouna, je vais déserter. Guillaume Meurice, sur France Inter. Merci Guillaume. Nous sommes en compagnie de Guy Corneau, l'auteur de la pièce L'amour dans tous ses états, avec Camille Barderie, et avec Hervé Pochon, et avec vous-même d'ailleurs. Ah ouais. C'est à la Gaîté Montparnasse, mardi, mercredi, à 19h. Beaucoup de demandes sur Twitter, mais qu'est-ce qu'était la substance qu'avaient pris vos invités, Mylène Bauer. Beaucoup sur hashtag adulte. De la tisane, à ce temps-ci. Je pense, oui. De l'humour. Bien sûr. Bonne dose. Allez, le deuxième sujet, ce sont ces salles de cinéma qui diffusent désormais de l'opéra et des concerts. Aussi des spectacles d'humoristes. Par exemple, Florence Foresti à Bercy, en direct dans les salles de cinéma, a fait un carton avec 85 000 personnes. Même la Comédie Française s'y met. Alors, comment les salles de ciné libèrent de la place pour honorer ces autres disciplines? Notre hypothèse, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Les films de merde qui quittent rapidement l'affiche, peut-être. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Je me présente. Je suis l'attachée de presse, Odile Duray. Alors vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray, Odile De Ray. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. Chantal Lobby et Dominique Besnéard dans La Cité de la Peur. C'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique cela, que beaucoup de salles de cinéma diffusent des concerts, de l'opéra, il y a même des expositions, du sport aussi. On a pu voir des matchs de l'Euro ou les 24 heures du Mans. Alors, et grâce au cinéma, les Rolling Stones ont joué à Crépy-en-Valois. Vous voyez, le concert qu'ils ont donné à Cuba, vous voyez. C'est une évolution enthousiasmante de notre monde contemporain, ça, Guy Corneau. Que mes conférences soient là. J'allais vous demander il est la malice. Évidemment. Ben c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est plus malin. Il y a des salles qui sont disponibles. Ben oui, tiens, c'est confortable. Puis on voit bien. Puis c'est quand même pas si mal. Hein. Ouais. Mais ça me rappelle quand même en 70 le premier film documentaire, c'était un spectacle des Rolling Stones qui s'appelait Gimme Shelter, qui avait été fait par Martin Scorsese. Puis moi je me rappelle Martin Scorsese. Oui, c'est ça. Martin Scorsese. Évidemment, je le chambre. Oui. Et donc, mais je me rappelle d'entrer dans le cinéma, le film commençait, c'était tellement excitant. Puis après, j'ai vu les Rolling Stones en concert aussi, mais j'avais trouvé le film plus excitant finalement. Ah, c'est vrai? Ben ça, c'est dingue. Alors, ils sont bons aussi quand même. En France, dans le monde, il y a une première en 2008, La Bohème, jouée au Metropolitan Opera de New York et au cinéma, dans plein de salles. Mais on n'a pas accès, et c'est intéressant, je trouve. Mm-hmm. C'est plus démocratique. C'est ce que je pense. Et c'est moins cher. Ouais. La force du spectacle vivant, quand même. Oui, c'est ce que ça veut dire, oui. Oui, ça, c'est vrai. Non, c'est démocratique, ça veut dire moins cher. Mais bon. Moi, je fais du vivant, je suis pas moins sur Internet, je cultive pas ça. J'aime ça être au théâtre, j'aime ça donner des conférences, j'aime ça le moment. Et je pense que c'est même très important pour les êtres humains de cultiver ces moments-là où on est ensemble. Mais en même temps, bon, ça permet quand même d'avoir accès à des produits culturels intéressants. Cela dit, pour des trucs aussi grands que Foresti, quand vous allez à Bercy, vous êtes tout au fond, vous ne la voyez pas. Ah vous êtes sans doute mieux dans une salle de spectacle. Oui, et puis les Rolling Stones qui jouent sur grand écran à Crépy-en-Valois avec cette communion avec tout le monde plutôt que chacun derrière sa télévision. On en revient comme ça, parce que quand on a eu la télévision, chacun est resté chez soi, Internet, etc. Et là, c'est un mouvement où quand même il y a désir de revenir. C'est intéressant aussi parce que je lisais dans le petit article, il y avait aussi des choses qui se passaient dans les cinémas même. Où les gens se mettent à danser, se lèvent. Oui. Bon, moi, je pense que tout ce qui crée de la communauté est intéressant. C'est ça que je pense. Après, on a quand même un souci, c'est que les films, ils restent quand même moins de 3 jours ou une semaine dans les salles. C'est notre problème, effectivement. Oui, c'est vrai. Oui. J'étudie en cinéma, alors je... et enfin, il y a aussi un côté... est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu précieux qu'on perd? Le côté, peut-être, rareté, qui est là, pas démocratique, pour le coup. Mais ça, c'est pas un souci, autant que ce soit... et démocratique, et dans tous les endroits, même les endroits où n'arrivent pas certains types de cultures. Je pense que c'est un mouvement inévitable. Je pense qu'on est rentré là-dedans avec les réseaux sociaux et tout. Je veux dire, tout est partout de toute façon. Alors, tu peux résister si tu veux, mais t'es mieux d'aller avec et d'en profiter pour créer des événements où les gens se rassemblent et créer de l'originalité. Ça crée du bien-être. Oui, ça crée du bien-être, mais c'est de la création aussi. C'est ça qui est intéressant, je pense. C'est un monde qui a besoin de création, qui a besoin de beauté, qui a besoin de tout ça, et de bien-être aussi. De cette émission, en fait. Oui, et de vous, Clara Dupont-Mino. Absolument. Je vous remercie, Charline. Guy, l'actualité, c'est aussi... Le centenaire du Canard enchaîné, c'est un journal qu'on aime beaucoup. Oui, est-ce que vous avez l'équivalent au Québec? On n'a pas ça. Non, vous n'avez pas cette irrévérence et cette... Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est je suis très admiré. Oui, j'admire beaucoup ça. Mais vous pouvez dire, on est admirants, nous aussi, du Canard enchaîné. Alors évidemment, je vous entends penser autour de cette table, Damned Frisson. Les 100 ans du Canard, ça veut dire que Clara Dupont-Mono va nous faire une chronique sur Donald Duck, par exemple. Je vous entends le penser. Mais non, je vais vous décevoir. Non, d'abord, je préfère plutôt à Donald. C'est une question de profondeur de regard. Et surtout, le Canard enchaîné, avant d'évoquer ses plumes, avant d'évoquer un journal, eh ben pour nous, ça évoque une valeur, presque un sentiment, c'est celui de la liberté. La liberté, ça peut être un sentiment. Je ne vous apprends rien, vous qui êtes spécialiste de la chose psychique. Là, vous dites oui. Non, je pense que la liberté, c'est d'abord une sensation intérieure. En fait. Voilà, c'est ça, exactement, un sentiment. Et en France, c'est bien ça que Cabu et les autres ont payé quand même très cher. Eh bien, figurez-vous que l'esprit canard, pour nous qui est un peu l'esprit Cabu, il a essaimé, il y a des héritiers en France. Et parmi eux, il y a une héritière que moi j'aime beaucoup, qui avait signé un premier album qui s'appelait La Légèreté, que j'avais chroniqué ici. Et elle s'appelle Catherine Meurice. Alors, rien à voir avec Guillaume Meurice, puisqu'elle a du talent, mais il se trouve que elle est arrivée en retard à son journal Charlie Hebdo un matin de janvier 2015, ce qui lui a sauvé la vie et paradoxalement, ce qui lui a rendu la vie beaucoup plus douloureuse. Et aujourd'hui, avec cet album qui s'appelle Scène de la vie hormonale, on est très content de voir que l'irrévérence de son trait finalement se porte bien. Au fond, c'est une expérience de la renaissance que ne dédaignerait pas un psychanalyste. Alors déjà, le titre, Scène de la vie hormonale, c'est un pied de nez au film Scène de la vie conjugale de Bergman, en 74. Voilà, je le dis pour tous... Mais quel snobisme, enfin bon. Et en effet, c'est la mise à nu des couples, mais alors cette fois au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle dessine vraiment des gens qui sont tout nus, et de préférence dans un lit. Alors évidemment, on a la radio, mais apprenez que son trait, il est à mi-chemin entre le filin et l'élastique, et c'est, en général, ça marche très bien. Il y a un petit peu de raiseur dedans. En tout cas, on suit une fille rousse, qui est toujours la même, dans sa quête de l'homme parfait, autrement dit, qui enchaîne les partenaires pathétiques. Et donc, ils sont allongés dans un lit, tout nus. Alors, par exemple, il y en a un, il y a un garçon qui tweet pendant la copulation. Voilà, et donc il fait hashtag, et ben, hashtag Kamasutra je gère. En fait, c'est ça qu'elle écrit. Et il y en a un autre qui dit à la fille rousse, je peux pas quitter ma femme, elle est comme une mère pour moi. C'est complètement horrible. Et il y en a un autre qui porte sur un tatouage sur son avant-bras, et c'est un gros cœur rouge. Et dedans, il y a écrit maman. Et du coup, comme il fornique avec notre petite dame rousse, elle, dans toutes les positions, elle a sous les yeux le gros cœur avec écrit maman, donc elle n'arrive pas à se détendre. Et in fine, elle va chercher un amant à la DAS, comme ça elle est sûre qu'ils n'ont pas de mère. Et comme ça, ça l'arrange. Voilà. Elle en attrape un qui n'a pas de mère. On est en pleine psychanalyse, c'est vrai. Complètement. Alors évidemment, elle veut un enfant, du coup. Ouais. Évidemment, elle trouve ça très encombrant d'avoir un enfant. Déjà, dans la quête de l'enfant, quand elle rencontre un homme, elle prend l'habitude de lui dire bonjour, mais j'ai mes règles. Et quand enfin, elle est enceinte... Les règles de conduite. Et quand enfin elle trouve ça, quand elle est enceinte, elle tue Françoise Dolto une seconde fois parce qu'elle trouve ça horrible d'avoir un enfant. Enfin, c'est de l'irrévérence 100% que nous ici on aime beaucoup. Et figurez-vous, Guy Corneau, que cette BD, eh bien, c'est un peu La femme de 30 ans de Balzac, version 2016. Et comme les choses sont bien faites, une nouvelle édition de La femme de 30 ans vient de sortir en poche. Elle est sortie début septembre. Et quand on le lit, ça marche à l'envers. On a l'impression de lire Catherine Meurice en 1842. Ah. C'est le texte le plus dérangeant et le plus engagé de Balzac. Il raconte des femmes qui sont toutes déçues par le sexe et par la maternité. Il parle de femmes à qui, je cite, « l'expérience d'un jour, d'une nuit peut-être, avait suffi pour apprécier la nullité de leur conjoint. » C'est quand même pas rien. Alors, c'est pas l'amour dans tous ses états. Ou alors, l'amour dans tous ses états, mais y compris les moins glorieux. Moi, je me demande quelle sorte de substance, c'est du café, je pense, qu'il prenait pour avoir autant d'inspiration. Bah, oui, c'est génial. Mais de génie aussi. Ah, oui, et ça. Il parle de femmes qui ne se sentent, je cite, ni mère ni épouse, et notamment d'une jeune maman qui dit de sa toute petite fille « Si elle tombait à l'eau, je m'y précipiterais pour l'aller reprendre, mais elle n'est pas dans mon cœur. » En 1842. Alors, il a eu contre lui toute la censure, mais enfin, c'est un texte extraordinaire. Et ce n'est pas un hasard. Sur une des planches de Catherine Meurice, on voit à un moment la petite héroïne rousse, toujours dans un lit, en train de lire La femme de 30 ans de Balzac, évidemment. Alors, la case d'après, on la voit lire 20 ans après d'Alexandre Dumas. Et puis ensuite, Une vieille maîtresse de Barbey d'Aurevilly. Et pendant qu'elle fait une fellation à son partenaire, lui, il lit Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Et tout est dit. Je vous redonne les références que vous retrouvez dans le Parisien Magazine. Scène de la vie hormonale de Catherine Meurice. Il est paru chez Dargaud et bravo à elle, parce que je pense que c'est pas commode. Et La femme de 30 ans de Balzac est paru en folio classique. Et Balzac peut m'appeler quand il veut. Merci, Clara Dupont-Mono. C'est bien de répondre à toute cette horreur, justement, parler d'indignation tout à l'heure, mais c'est une fantastique façon de répondre à toute l'horreur de ces événements, c'est de continuer l'humour, à rire. L'humour et l'irrévérence. Tout à fait. Oui, allez, on va continuer ensemble alors, encore quelques temps, j'espère. Et avec ce troisième sujet, en compagnie de Guy Corneau, car c'est officiel depuis ce matin, la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées s'appelle désormais l'Occitanie. Ça va mieux. C'est plus chic. Ça va mieux. C'est comme le Nord, hein, c'était paraît-il péjoratif. Les Hauts-de-France, c'est plus cosmétique. C'est alors autant on comprend que le village de Lapis était rebaptisé Pellevoux, ou que la crotte se soit muée en Cro, C-R-O-T-S. Oui, alors il nous faudrait donc des noms de lieux positifs, du positif, sinon ça joue sur le moral de tout le monde. Bon, on est où là, s'il vous plaît? Haute des Plages. Haute des Plages. Quelle ville? Entre Arcachon et le Moulot. Entre Arcachon et le Moulot. Mais c'est quand même un petit peu plus Arcachon, hein? Oui, enfin... Si, c'est plus Arcachon. Bon, apparemment, c'est plus près d'Arcachon. Dubosc Lanvin dans Camping. Est-ce qu'on sent là déjà, Guy Corneau, le côté un peu psychologique de la chose? Vous êtes entre Arcachon et le Moulon, surtout près d'Arcachon. Non, mais enfin, j'ai lu l'article, ça me pose beaucoup de questions, parce que je me dis... À lire dans Libération aujourd'hui. Ouais, si tu habites un village qui s'appelle Mille Morts, il s'est passé quelque chose là. Oui. Il y a 1000 personnes qui sont mortes ou 1000 femmes qui ont été brûlées. Et c'est pas plus mal qu'on s'en rappelle un peu. J'ai peur de... J'ai peur de toute cette sorte de pensée positive. Je comprends l'aspect revalorisant. Si tu es un village qui s'appelle La Piste, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de changer de nom. Ou, par exemple, la Pommerade, c'est un autre exemple où il n'y a plus de pommiers, mais au moins on se pose la question et on se rappelle qu'il y en a eu. Ben oui, c'est donc, ça revient à l'histoire. La charge historique. Mais moi, je viens de Chicoutimi. Oui, je l'ai noté. Qui veut dire jusqu'où c'est profond. Et notre ville a été fusionnée avec Jonquière, Kenogami, l'abbaye et tout ça. Et donc, on a perdu notre beau nom. Et Chicoutimi, c'est sur la rivière Saguenay, qui est une des rivières les plus profondes au monde. C'est un fjord naturel, c'est à 300 mètres de profondeur. Et Chicoutimi, ça veut dire jusqu'où c'est profond, parce que les Indiens qui allaient vendre leur fourrure à Tadoussac devaient remonter jusqu'au lac Saint-Jean. Et à partir de Chicoutimi, ils devaient faire du portage, 90 km de portage quand même. Et donc, ça avait tellement de sens jusqu'où c'est profond. Et là, on a perdu ça. Donc, ils ont appelé ça maintenant, parce qu'il y avait trop de querelles, Saguenay, sur la rivière Saguenay, dans le comté du Saguenay. J'ai pas trouvé beaucoup d'intelligence dans le truc. Alors, on ajoute aussi des choses comme Le Fleury ou Le Coquet, où en 93, Corde a été rebaptisée Corde sur ciel, voyez-vous. Oui, alors là, on enjolive un petit si on, peu. Si on est poétique, c'est un peu mieux. Il y a tous les désirs enfouis de mégalomanie qui peuvent ressortir, parce que Corde sur ciel, il y a le côté... On voit des harpes célestes, quand même. C'est le nom des rues qu'il faudrait changer, par contre. C'est que des militaires, que des... Ah, voilà, un beau débat. Voilà, c'était ma contribution au débat. Merci. Vous en foutez la paix aux militaires un peu aujourd'hui ? Non, mais j'aime pas trop les gens qui tuent les autres. Blou, blou, blou. C'est un article à lire dans Libération. Un article à lire dans Libération qui dit les noms de lieux négatifs sont remplacés par des noms valorisants. Et on trouve par exemple l'explication avec les monts Cuc. Par exemple, les monts Cuc. Le mot originel était Cuc, C-U-C, qui signifiait sommet avant dans les langues écrites. Et comme on n'en savait plus le sens, on a rajouté mont, qui est la même chose, mais en roman. Voilà. Et donc il y a une recherche aussi de sens social à tout ça. Il y a des noms de villes ou de villages rigolos hein, au Québec, j'imagine aussi. On se moque, par exemple, on dit il est 17h54 sur France Inter et à Gland, ou à Ville-Dieu-les-Poils, ou à Condom, qui n'est pas loin de mon cul d'ailleurs. Non, parce que nous, l'église catholique, était vraiment, ils ont fait un bétonnage. Alors, on l'église catholique, saints, oui. Sainte-Sophie, Saint-Luc, Saint-Joseph, on n'a que des saints. Alors, le poids de l'église au Québec. Oui, c'est ça. Eux, ils avaient décidé de valoriser avant même que. Ou la géographie, Trois-Rivières. Hein, Trois-Rivières, oui. C'est pratique. Ah, non. Non, il y a des ouvrages de toponymie fantastiques au Québec aussi. Et moi, je trouve ça intéressant de lire ces trucs-là. Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Guy Corneau, ça, encore un truc dans vos cordes, parce que vous savez tout faire, comédien. Tradition de fin d'émission, on donne un sketch à l'invité. Vous jouez le rôle de Guy Corneau, car quelqu'un a des problèmes de couple. François Hollande, pas avec n'importe qui, on va le découvrir. On se rend immédiatement à votre consultation. Bonjour docteur. C'est à vous, monsieur. Ah, c'est moi, le docteur. Oui, il m'entend pas, docteur. Oui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? C'est Georges, mon chauffeur. Alors, je veux dire, mais quel est votre problème avec Julie ? Ah, pardon, oui, d'accord. Vraiment, avec Julie, tout va bien. Non, c'est mon autre couple. Valérie est revenue ranger l'Élysée ? Non, non plus. Non, c'est avec les Français. Ah, bah ça, j'avais cru remarquer, même comme étranger. Oui. Non, rajoutez pas. Non, j'ai l'impression que les Français ne m'aiment plus, qu'ils vont pas tarder à demander le divorce. Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais moi, je pencherais plutôt dans votre opinion, mais. Non, je sais pas. Ils me regardent plus comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Bah, peut-être que vous êtes un peu laissé aller en scooter aussi. Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu grossi, c'est vrai. Vous avez peut-être un petit peu déçu aussi. Ah non, ça m'étonnerait ça, non. Oh, vous n'êtes pas un petit peu dans la fuite, là, dans le déni, là Hops, ça cogne, oui. Docteur, c'est juste pour vous dire que Denis Baupin est arrivé. Ah oui, il a des problèmes de relations en ce moment aussi. Oui. Ah bah, alors, je finis ma consultation, on s'occupe de tout ça en même temps. Oui, alors docteur, il y a aussi Robert Rochefort du Modem qui est là depuis 45 minutes. Ah, c'est vrai, ça, dites-lui que j'arrive. Oui, mais il a l'air assez stressé quand même. Donnez-lui immédiatement un rouleau de sopalin. Bon, revenons à moi, docteur. Oui. Ben c'est à vous, docteur. Ah ouais, je vous écoute. Il y a quelque chose qui est primordial dans un couple, François. Oui. C'est la confiance. 13%. Pardon ? Ils sont 13% à me faire confiance. Je vois, mais dans votre couple aussi, c'est pas plus que ça. mais vous avez essayé de leur parler. Mais je fais que ça, docteur, mais il n'y a plus d'amour, docteur. Ah ouais, là, c'est dur. Enfin, ouais, c'est mou, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est plutôt mou. Mais moi, je voulais leur offrir des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ah, c'est beau, ça. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit avant vous, par contre. Oui, mais j'ai jamais trouvé un pays où il pleuvait pas. Non, monsieur Lantre, peut-être que le moment est venu de rompre. Ah, vous croyez ? Ah oui, le changement, c'est maintenant. Guy Corneau, merci beaucoup, Guy. Et puis, je rappelle qu'on peut vous voir sur scène dans une pièce que vous avez coécrite avec Camille Barderie. Et c'est une pièce avec Hervé Pochon également. Ouais. On vous retrouve tous les trois dans L'amour dans tous ses états. C'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse, mardi et mercredi à 19h jusqu'au 21 décembre. Merci à tous autour de cette table. J'en profite pour remercier l'équipe aussi. Benjamin Riquet à la réalisation, Irène Menahem, Sarah Masson et Nathalie Romero à la préparation. Merci à Mélanie Bauer, merci à Clara Dupont-Monod, à Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Faut dire c'est Guillaume Meurice qui faisait François Hollande parce que, oui, parce que les gens pensent qu'il y a vraiment François Hollande. Voilà. Allez, on laisse le mot de la fin à notre façon de traiter l'actualité. Bordel de Dieu, mais tout le monde se fout de tout ici alors. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour, Miss MAF. Alors, moins cher. Mais encore. Encore moins cher, mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clique MAF Auto sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clique MAF Auto et claque, moins 15%. Avec Clique MAF Auto, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. 15% et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clique MAF Auto et le contrat Auto MAF. Contrat consultable sur MAF.fr. Vendredi 30 septembre, 20h, auditorium de la Maison de la Radio. Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique vont vous surprendre. La version originale du ballet Petrouchka de Stravinsky. Le tourbillon fantastique et fatal de la valse de Ravel. Et l'étonnant concerto pour trompette de Brett Dean par le fabuleux Akan Hardenberger. Le 30 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France mélange les genres avec succès. Réservation maisondelaradio.fr. Air France. France. La France is in the air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518€ aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce jeudi soir à 18h15, réflexion sur la démocratie à l'occidentale et son exportation dans tel ou tel pays. En général, ça ne marche pas. Le philosophe Florent Guénard est l'invité d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur la réunionite. Un cadre français passerait en moyenne 16 ans de sa vie professionnelle en réunion, 16 ans sur 40. Et vous, comment ça se passe au travail? Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, Florence Paracuellos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, une forme de résilience après les attentats, la réouverture de l'impôt.